n'est pas un conte de fées. Certaines douleurs ne s'expliquent pas. Et le mal qu'on te fait, lui, ne s'extire pas de ta mémoire. Et tes déboires semblent fatales à ton moral déjà si faible. La vie, difficile de s'y faire. Et se reclure pour affronter ses propres démons est trop dur. C'est ainsi que la douleur dure jusqu'à paraître éternelle. Sais-tu pas que l'amour maternel lui seul suffirait à soigner bien des blessures? Mais tu fuis ton entourage, refusant d'avouer tes peurs, pensant qu'ignorer le malheur est une preuve de courage. Les larmes coulent à l'intérieur, jusqu'à noyer ton cœur, jusqu'à broyer ton cœur, tant la pression prend de l'ampleur. Et le malheur t'envahit, les larmes se mettent à jaillir, ton cœur est embouti, et t'oublies de sourire. Tu faillis, tes yeux se mouillent d'un poitrine bouillie, jusqu'à brûler au troisième degré. Et ce de force ou de gré, dans sa autre elle t'emporte, sans même que tu résistes. D'autres fois tu l'affrontes, seulement c'est elle qui l'emporte. Et tu te réconfortes, espérant qu'elle se désiste. Tu refuses de lui faire front car elle est bien trop forte. Constamment au bord du gouffre, tentant de rester stable. S'il voyait que tu souffres, ta vie serait moins détestable. Mais ton mutisme persiste et tu refuses l'aide des autres, pensant que c'est à toi seul de ranger ce désordre. Tu es triste, il est temps que tu en parles. Petit, libère ton cœur du malheur. Retire donc le pieu qui l'emballe et répare-le en lui offrant un peu de chaleur. Pour vaincre le mal, on doit savoir d'où il provient. Pour remédier aux problèmes, on doit connaître leur nature. Nous sommes là, donc préviens-nous chaque fois qu'elle survient. La tristesse éteigneuse écouvre ton cœur d'égratignure. Qui d'autre que les êtres qui te sont chers peuvent t'aider? Et puis les drogues, l'alcool et les substances bizarres, elles te feront revivre un instant pour que tu puisses mieux décéder. Chaleur artificielle ne peut pas vaincre un blizzard. Une fois les effets estompés, le retour sera brutal. Dans un silence de mort, un cri d'angoisse comme seul bruitage. C'est tout ce que t'auras, y'a pas de miracle contre elle. Pas de mirage, au contraire, la souffrance est bien réelle. Les appels à l'aide sont invisibles aux yeux de ces gens aveugles, ignorant ton malheur qui ne peut être vu sans aveu. Ta solitude t'accompagne, seule compagne de ton âme veuve. Les autres te parlent mais que t'es mal, qu'est-ce qu'ils en savent? Que savent-ils de toi, des regrets, de tes peines? À chaque fois qu'ils te croisent, faut croire qu'ils t'ont mal, hein. Tu rêves d'une tombe sale, hein, sale comme ton âme, que la douleur est belle. J'idée noire, un chagrin dense, l'esprit couleur est belle. Assis au bord de la fenêtre, en se retenant de s'y jeter, sans sa vie avec des si, jamais su si j'étais. Mais si j'étais à ta place, ils peuvent se les garder. Ces gens si fiers, ferait mieux de se regarder dans une glace. Moi c'est une chose que je ne peux plus faire. J'ai si honte de ce que je suis, ma vie est un enfer. Et le diable me parle, j'aimerais tant qu'il se taise. Il m'incite à mettre fin à cette putain de tristesse.